le chardonneret et l'ouvrier, histoire canadienne. Il y a quelques années, un émigrant allemand alla s'établir dans le Haut-Canada, à Toronto. C'était un cordonnier qui n'avait pour tout bien que son industrie et ses ustensiles de travail. De plus, un chardonneret qu'il apportait de son village d'Allemagne et dont il avait eu grand soin pendant la traversée. Il louait une échoppe et se mit à la besogne, et chaque matin, en se levant, il suspendait à la fenêtre de son humble atelier la cage de son chardonneret. Pendant que l'ouvrier travaillait, l'oiseau battait des ailes et chantait pour le récréer. Peut-être qu'il lui chantait des airs qui le faisaient penser à son pays et lui réjouissaient le cœur. Tous les jours, le cordonnier chantait gaiement dans sa cellule, en face de son gentil compagnon, et probablement, il ne se doutait guère que cet oiseau devait aider à sa fortune. Mais un passant ayant entendu les mélodies du chardonneret en parla dans une riche maison de la ville, puis dans une autre. Les belles dames et les jeunes filles voulurent voir ce petit musicien étranger qui chantait si bien et s'intéressèrent aux laborieux artisans qu'il avait apportés de si loin. Quelques années après, le cordonnier mourut. Ses meubles, sa boutique, furent revendus au profit de ses héritiers. Le gouverneur de Toronto acheta le chardonneret et le fit aussitôt placer à la fenêtre de son salon. Mais en vain il attendit quelques-unes de ces jolies roulades qui, naguère, résonnaient si vivement dans l'échoppe de l'ouvrier. En vain, pour raviver l'oiseau qui paraissait attristé, il fit remplir le bassin de sa cage de l'eau la plus pure et du meilleur millet. L'oiseau était comme la pensée de vie de son humble maître. Le maître mort, l'oiseau resta muet.